Vous ne sauriez changer votre style sauvage et nous faire un contrat qui soit en beau langage? Notre style est très bon et je serais un sot, madame, de vouloir y changer un seul mot. Ah, quelle barbarie au milieu de la France! Mais au moins, en faveur, monsieur de la science, veuillez au lieu d'écus, de livres et de francs nous exprimer la dot en mines et talents et dater par les mots d'ides et de calends. Moi? Si j'allais, madame, accorder vos demandes, je me ferais siffler de tous mes compagnons. De cette barbarie en vain, nous nous plaignons. Allons, monsieur, prenez la table pour écrire. Ah ah! Cette impudente ose encore se produire. Pourquoi donc, s'il vous plaît? La ramener chez moi. Tantôt, avec loisir, on vous dira pourquoi. Nous avons maintenant autre chose à conclure. Procédons au contrat. Où donc est la future? Celle que je marie est la cadette. Bon. Oui, la voilà, monsieur. Henriette est son nom. Fort bien. Et le futur? L'époux que je lui donne est monsieur. Et celui, moi? Qu'en propre personne, je prétends que l'épouse est monsieur. Deux époux? C'est trop pour la coutume. Où vous arrêtez-vous? Mettez, monsieur Trissotin, pour mon gendre. Pour mon gendre, mettez, monsieur Clitant. Mettez-vous donc d'accord, et d'un jugement mûr, voyez à convenir entre vous du futur. Suivez, monsieur, le choix où je m'arrête. Faites, monsieur, les choses à ma tête. Dites-moi donc à qui j'obéirai des deux. Quoi donc? Vous combattrez les choses que je veux? Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille. Vraiment? À votre bien? On songe bien ici, et c'est là, pour un sage, un fort digne souci. Enfin, pour son époux, j'ai fait choix de Clitant. Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre. Mon choix sera suivi, c'est un point résolu. Ouais, vous le prenez là d'un ton bien absolu. Ce n'est point la femme à prescrire, et je somme pour céder le dessus en toute chose aux hommes. J'ai bien dit! Mon congé, sans fouet, me fut-il hoc. La poule ne doit point chanter devant le coq. Sans doute. Nous voyons que d'un homme, on se gausse quand sa femme chez lui porte le haut de chose. C'est vrai. Si j'avais un mari, je le dis, je voudrais qu'il se fît le maître du logis. Je ne l'aimerais point s'il faisait le jocrisse. Et si je contestais contre lui, par caprice, si je parlais trop haut, je trouverais fort bon qu'avec quelques soufflets, il rabaisse à mon ton. C'est parler comme il faut. Monsieur est raisonnable de vouloir pour sa fille un mari convenable. Oui. Pour quelle raison, je n'ai pas fait qu'il est, lui refuser Clitandre? Pourquoi, s'il vous plaît, lui bailler un savant qui sans cesse épilogue? Il lui faut un mari, non pas un pédagogue. Elle voulant savoir le grenil latin, elle n'a pas besoin de monsieur Trissotin. Fort bien. Il faut souffrir qu'elle jase à son aise. Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise. Et pour mon mari, moi, mille fois je l'ai dit, je ne voudrais jamais prendre un homme d'esprit. L'esprit n'est point du tout ce qu'il faut en ménage. Les livres cadrent mal avec le mariage. Et je veux, si jamais on engage ma foi, un mari qui n'ait point d'autre livre que moi, qui ne sache en abbé, n'en déplaise à madame, et ne soit en un mot docteur que pour sa femme. Est-ce fait? Et sans trouble, et j'assez écouté votre digne interprète. Elle a dit vérité. Et moi, pour trancher court toute cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Henriette et monsieur seront joints de ce pas, je l'ai dit, je le veux. Ne me répliquez pas. Et si votre parole à Clitandre est donnée, offrez-lui le parti d'épouser son aîné. Voilà dans cette affaire un accommodement. Voyez, y donnez-vous votre consentement. Et mon père? Et monsieur? On pourrait bien lui faire des propositions qui pourraient mieux lui plaire. Mais nous établissons une espèce d'amour qui doit être épurée comme l'astre du jour. La substance qui pense y peut être reçue, mais nous en bannissons la substance étendue.